Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Quinfranc avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en escalade, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Rouge comme les règles, une série de Juliette Boutillier réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a la difficulté d'évoquer les règles, les airs dégoûtés ou les rires gênés, ou ce jour où, prise au dépourvu, on a demandé un tampon en chuchotant. Et puis aussi, l'envie de parler du quotidien qui va avec, précaire ou confortable, jusqu'à la poésie étrange faite de colère, de puissance, de honte et de fierté qui peut s'en dégager quand on étale tout ce sang au grand jour. Alors pour commencer, les personnages, des bénévoles avec des solutions, une SDF ravie de se laver, une travailleuse du sexe qui raconte les règles, des personnes transgenres et leur cycle, un publicitaire qui veut faire autrement et une femme qui laisse couler. Ensuite, le décor. Une camionnette en maraude, la rue, une cabine de douche, des serviettes lavables, des tampons, des cups, des cachettes et des toilettes publiques. Aujourd'hui, troisième épisode, on sillonne la ville. Alors, tout le monde est accroché, tout est accroché, parce que tout ce qui n'est pas accroché tombe. Alors en fait, c'est ici que tout a commencé, parce que le siège social de l'association est à Malakoff. Et les maraudes, comme on fait maintenant, ont commencé ici. Donc là, on va aller voir le couple. Là, que marauder, c'est le mot qui consiste à dire aller chercher le client pour un taxi maraude. Alors évidemment, nous n'avons pas des clients, mais des bénéficiaires. Et c'est aller à leur rencontre. Voilà, marauder, c'est trouver quelqu'un dans un espace. Et c'est pour ça que j'aime bien faire la comparaison entre le taxi et mobile douche. Et le taxi maraude pour ses clients, et nous, on maraude pour les SDF et les mal logés. Bon, il suffit de regarder, souvent, si vous voyez quelqu'un qui est rasé, c'est qu'il a eu accès à l'eau dans la journée. Et puis bon, on maraude régulièrement, donc on sait. Et souvent, le bouche à oreille marche aussi. Alors ils savent, tiens, ils passent le mercredi, comme on a eu tout à l'heure quelqu'un qui est passé. Oh, ça fait pas longtemps qu'on ne vous a pas vu. Bon, voilà. L'hygiène, c'est pas qu'une santé. L'hygiène, c'est l'estime de soi. L'hygiène, c'est retrouver le nom et le prénom. C'est retrouver son histoire. C'est envie de faire. C'est un rebond. C'est avoir des relations correctes avec l'autre. Se séduire. Nous avons assisté à des histoires d'amour. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a traversé Paris pour me dire ça, simplement. Je suis venu te dire que j'ai plus le temps de toi. Ils vont mieux se soigner. Parfois, ils vont nettoyer leur bout de trottoir. Donc, il y a les effets de santé publique aussi. Sur les difficultés des femmes aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est tout ce qui est l'intime. Femmes réglées à la rue, c'est compliqué. Tampons, serviettes, etc., ça, c'est très dur. Et nous sommes parfois devant des réalités qui les mettent en danger au niveau de la santé. Hein, quand elles n'ont pas de tampons, elles utilisent des maillots qu'elles traînent. Nous, on en a quelques-unes qui nous ont confié qu'effectivement, elles n'avaient plus leurs règles, sous-alimentées par exemple. Mais autre chose, c'est qu'elles prennent aussi un médicament qui les empêche. Voilà. Soit c'est une conséquence de la rue, soit elles le provoquent parce qu'il n'y a pas... Il y a des difficultés pour pouvoir trouver des tampons, encore une fois. Donc, soit c'est une conséquence, soit elle le décide. Le numéro 8, un livre d'Élise Thiébaut et une coupe menstruelle de chez Dans ma culotte. Le lot numéro 8, il est pour... J'ai mal écrit. Chan à... Rouge. Film numéro 3, t'as identifié. La fin d'un tabou. Tiens. Ensuite, le lot numéro 9, c'est un livre d'Élise Thiébaut et un t-shirt. Je donne des éco-orgasmes de génération cobaye, donc on enverra le t-shirt. On est au magasin général au Grand Voisin, dans Paris d'Enfer Rochereau. Et on est là pour la journée d'hygiène menstruelle, qui est coordonnée par Dans ma culotte, enfin, qui est une marque normande de produits pour les règles, coupe menstruelle, tampons bio, serviettes lavables, et qui a invité différents partenaires, différentes initiatives, différentes associations pour parler pour de Jessica ça, d'hygiène menstruelle. Oui, c'est toi. Est-ce que quelqu'un a gagné le livre de Jack Parker, qui a déjà le livre de Jack Parker? Non. C'est un espace 100% safe pour nous. où on peut parler de nos règles, des règles et de tout ça. On t'enverra ça. Donc, il y a un atelier qui s'est tenu, les règles en l'an 3000 ce matin, de 10h à midi. Imaginez ce que ce serait les règles en l'an 3000. Voilà, donc c'était animé par Noël de Dans ma culotte. Donc. Après, il y a normalement l'association sur l'endométriose là, qui travaille... qui parle d'endométriose et qui, je pense, récolte des fonds pour la recherche sur l'endométriose qui va venir cet après-midi. Et donc, il y a différentes personnes. Il y a donc le Règle élémentaire, qui est une association qui fait des collectes de produits pour l'hygiène menstruelle pour les femmes sans-abri. Donc, tampons, serviettes principalement. Là, on parlait justement de coupe menstruelle, donc on va essayer de peut-être mettre quelque chose en place ensemble. Ensuite, le dernier lot. En moins d'un siècle, nous sommes passés de 50 cycles à 500 durant la vie des femmes. Aujourd'hui, certaines décident d'arrêter leurs règles en prenant la pilule, d'autres achètent des protections hygiéniques pour éviter la tache. Certaines ne jurent que par les tampons, d'autres sont adeptes des cups, éponges de mer, culottes en tissu lavable, disques flex. Elles se connectent à des applications telles que Clou pour surveiller leur période d'ovulation. Mais le débat polyphonique autour des accessoires menstruels concerne aussi un domaine socio-économique. Car encore faut-il avoir les moyens de se procurer ces accessoires et que ces produits soient reconnus comme étant de première nécessité, exempte de taxes. C'est pourquoi des actions militantes sont menées pour pallier à l'inégalité des coûts menstruels. Et que penser des congés menstruels ? Sexistes ou pas ? Comment le monde du travail s'est-il organisé pour les travailleuses indisposées ? À Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, les femmes possèdent le droit de ne pas travailler ces jours-là, ce qui n'est pas le goût de certaines Américaines qui y voient une régression. Comment donc gérer ce flux ? Quels sont les moyens mis en place par les prostituées en période de règles ? Et comment celles-ci se vivent-elles auprès de la population en très grande précarité ou dans les rues ? Alors, Règles élémentaires, c'est une association qui a 2 ans maintenant, à peu près, et dont l'objectif principal est de collecter des produits de protection intime et de les redistribuer à des associations qui, elles, se chargent de les redistribuer aux femmes mal logées ou sans logement. On a eu envie de s'investir la même journée. C'était au lancement de la boîte à dons dans la mairie du 18e. Et en fait, Règles élémentaires avait aussi diffusé un documentaire qui s'appelle « Femmes invisibles », où on suivait le parcours des femmes qui vivent dans la rue. Nous, parisiennes, ça nous a vraiment touchées. Enfin, déjà, le fait de se dire, en fait, on n'a jamais pensé à ce problème-là, qu'on a tous les mois, et on ne pense pas que certaines femmes, le prix du paquet de tampons ou serviettes est quand même assez élevé. Et c'est vrai qu'on ne se met pas à la place des gens qui ont des revenus plus modestes ou qui n'ont pas de logement et qui peuvent difficilement gérer ça. Donc je pense que c'est venu tout de suite. On s'est dit on n'y a pas pensé avant et maintenant que le projet existe, on a envie de se battre pour ce projet-là et de défendre cette cause au plus grand nombre en fait. Bonjour, je vais poser des affaires. Oui, je t'en prie. Merci. Merci à vous en tout cas. Super. Merci pour ton... Tara Euysé, présidente de Règles élémentaires. On a beaucoup, beaucoup de demandes de la part de notre communauté et même plus largement de gens qui nous disent mais pourquoi vous ne distribuez pas des cups ? On a eu des offres de la part de l'UNEAL, notamment qui est un fabricant de cups menstruels français, qui voulait nous faire un don de cups, mais qu'on n'a jamais pu utiliser pour plusieurs raisons. La première, c'est une réelle question d'hygiène. Une cup, il faut la stériliser à la fin de chaque cycle. Et en fait, il se trouve que les femmes qui vivent à la rue n'ont pas forcément accès à un point d'eau. Déjà, de manière générale, donc encore moins un point d'eau bouillante où elles pourraient stériliser leur cup. Il y a aussi des gros problèmes d'hygiène, dans le sens où insérer sa cup, la retirer, si on a les mains sales, ça peut créer tout un tas d'infections qui sont très problématiques. Et il y a aussi une barrière psychologique, dans le sens où aujourd'hui, en tout cas les derniers sondages que j'avais lus, c'était 9 femmes sur 10 ne sont pas au courant que la cup existe. Et même parmi les 10% de femmes qui sont au courant que la cup existe, très peu font le pas psychologique de passer à la cup. La cup, c'est quand même quelque chose qu'on insère dans son vagin, qui est là pendant 12 heures, qu'on doit vider. Ça dégoûte beaucoup de femmes. Et on ne peut pas non plus imposer à des femmes en situation de précarité des choses qu'on ne voudrait pas nous-mêmes. Voilà, donc on aimerait que les femmes en situation de précarité aient conscience que ça existe, et notamment pour les femmes qui vivent en foyer ou dans des hôtels ou dans des pensions de famille et qui sont dans des structures plus pérennes et qui, a priori, ont accès à des points d'eau et éventuellement de stérilisation. On aimerait qu'elles soient au courant et qu'ensuite elles soient en mesure de faire un choix. Est-ce qu'une cup, ça dure entre 5 et 10 ans, alors que un paquet de tampons ou de serviettes, si ça dure un mois, c'est déjà bien. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé récemment au niveau de la taxe des produits intimes ? On s'est lancé en novembre 2015, donc en plein débat sur la taxe tampon et révision de projets de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat et tout ça. Et donc, évidemment que toute l'équipe de Règles élémentaires était favorable au rabaissement de la TVA et surtout à la reconnaissance du fait que les produits d'hygiène intime ne sont pas des produits de luxe, mais des produits de première nécessité. Après, nous ne sommes pas militants politiques, nous ne sommes pas économistes, nous ne connaissons pas le niveau de TVA optimal. Et la réalité, c'est que bien qu'aujourd'hui la taxe ait été baissée, ça ne s'est pas répercuté sur le prix pour les consommateurs. Donc on a juste fait un super cadeau aux fabricants et le débat est ailleurs, à mon avis. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et voir s'il était traité en France, je me suis tournée vers des sources assez institutionnelles, y compris les études de l'INSEE, et je me suis rendu compte que la dernière étude sur la population sans-abri en France date de 2012, il me semble. En plus, on ne s'intéresse qu'à la population sans-abri francophone, donc aujourd'hui, personne ne sait combien il y a de sans-abri en France, et encore moins combien il y a de femmes sans-abri, et n'imaginons même pas le nombre de femmes sans-abri en âge d'avoir leurs règles. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, et c'est surtout très choquant qu'il n'y ait pas de données plus à jour, une agrégation de données des maraudes ou même des organismes socio-médicaux qui se chargent de la question. Après, libre également à des initiatives individuelles de faire leur part du boulot. Et c'est vrai que nous-mêmes, Règles élémentaires, aimerions beaucoup faire une cartographie des besoins de protection hygiénique pour les femmes sans-abri en France. Donc c'est l'un des challenges de cette année. Bon, Jean-Pierre, il a l'œil parce que souvent, il arrive à trouver des coins improbables où ils sont vraiment cachés et c'est hallucinant les cachettes où il arrive à les trouver, quoi. Ce qui est important, c'est le temps. Ranzika Faïd, directrice de l'association Mobile Douche. Parce que le temps, il est réparateur à Mobile Douche. Le temps, c'est pour un instant, je vais me ressentir femme. Et c'est ce qu'elles disent. Donc, dans leur réalité de ménoposer, de régler, nous rencontrons aussi des femmes qui nous annoncent leur grossesse. Après, on n'invente rien. C'est-à-dire que quand une personne me dit « moi j'ai mal au ventre, mes règles douloureuses », nous ne donnons pas de médicaments. Hormis les antidouleurs, je dirais, accessibles en pharmacie, pour le reste, on les oriente. Elles sont très dans la confidence, donc elles nous expliquent comment elles font quand elles ont envie de parler ou pas. Mais il faut aussi prendre conscience que certaines, il n'y a que Mobile Douche dans leur vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de contact humain tant que Mobile Douche ne passe pas. Donc elle retrouve une parole aussi. Et petit à petit, cette parole, elle va aller vers d'autres. Bon, je vais aller voir comment ça se passe et comment on peut organiser ça facilement. Ok. Ouais, tu recules un peu, Jean-Pierre. La demande, oui, monsieur. Ouais, c'est mal. Ouais, j'ai mal au genou, mais je n'ai pas le choix. Hein. Avec mes grosses fesses. Wow. Il va me sortir des trésors, Jean-Pierre. C'était la soirée gitane. Mais regarde-moi ça. D'où qu'il me sort ça? D'accord, 42-44. Oui, 42-44. Ici, ouais. Combien ça? Parce que là, en bonnet, déjà, tu fais du 100B, 100B. Non, là, c'est pas du 100, hein. C'est du 95. Marie, usagère de mobile douche. Bah, je me suis mis en pantalon parce que... Oh, fais voir ça. Ça, c'est pour la nuit, ça. Pour dormir, pour faire dodo. Bah, je sais plus comment m'habiller la nuit. Alors, comme hier, j'étais en soutien-gorge et culotte, bah, je me suis ravillée parce que le colocataire, bah, dès qu'il m'a vu, bah, dès que je l'ai entendu sous la couette, et là, il a le don. C'est que quand il arrive, Marie, oui, tu dors? Non, tu viens de me réveiller, mais c'est pas grave. Alors ça, c'est un truc que je supporte pas. Tu dors, l'autre? Marie, tu dors? Non, tu viens de me réveiller. T'es bête ou quoi? Et mais vous avez des trucs, vous, mais... Ah, des jupes. Si t'as encore des jupes longues, je prends, je suis preneuse. Il faut savoir que c'est pas facile à accéder. Et ça, je le conçois. Parce que moi, la première fois que j'ai fait le mobile douche, c'était pas évident, parce que bon, voilà, je suis une femme, voilà, on a peur un peu, je suis assez féminine, on va dire ça comme ça, et voilà, quoi, il y a des trucs, c'est hallucinant, mais l'hygiène, elle est importante pour une femme. C'est pas une vie que je voulais vivre, hein, je vous rassure, ça fait quand même 7 ans que ça dure, cette vie, j'en ai plus que marre. Moi, je dis, le regard des gens est très important. Parce que bon, voilà, on est une femme, on est... Une femme qui est pas... Comment je pourrais bien vous dire ça? Qui a pas d'hygiène, c'est plus une femme. C'est une SDF, une femme comme plein d'autres, hein, une clocharde, tout ce qu'on veut. Une femme qu'on va pas regarder. Parce que une femme dans la rue, du jour au lendemain, elle est sur le podium et du jour au lendemain, elle est par terre, hein. Pour revenir justement aux règles des filles, comment on fait quand déjà il n'y a pas d'hygiène dans les douches, tout ça, pour trouver des serviettes, pour trouver des tampons On se débrouille. C'est soit vous allez dans un magasin qui s'occupe de ça, vous voyez ce que je veux dire? La Croix-Rouge française, tout ce qu'on veut, l'Ordre de Malte que moi je côtoie aussi, ils vous donnent. Vous pouvez être sûr que dans les associations, ils vont vous donner des serviettes de toilette. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'avais une serviette de toilette. Moi, je peux vous en parler parce que je ne les ai plus. Hein. J'ai 51 ans. Des fois, les bouchées de chaleur, on les sent bien. Hein. Bonjour, Marlène. Bonjour, Marie. Voilà, une bénévole encore du mobile douche. Je vous présente Marlène. Ça va, Marie? Oui, ça va. Je te remercie. Par rapport à des services comme mobile douche, qui est un lien direct au corps, il nous faut beaucoup de temps avec elle. Et là, c'est tout un travail, beaucoup de discussions, on rassure. Elle visite une fois, deux fois, trois fois. Mais une fois, la première fois que la douche va être prise, vous pouvez être sûr que votre relation, elle est à vie après. L'avantage que nous avons, c'est que quand on a un contact de confiance, en fait, après, elles nous renvoient leur réalité de femme. Elles prennent conscience du danger qu'il y a dans la rue, mais repensent la rue aussi. Donc j'en ai vu certaines qui se sont affirmées dans leur féminité. Et d'autres non, parce qu'elles sont sur un territoire très masculin. Donc il ne faut pas s'exposer. Il ne faut pas s'exposer en tout. Qu'est-ce que je vais mettre comme haut? C'est pas ça, c'est que je ne sais pas à quoi mettre. Et vu le temps qu'il fait là dehors. Voilà. Mais ta robe qu'on voit quand même. Ah, mais après je vais faire la manche. Après, en robe, faire la manche. J'ai des hauts talons aussi. Marie. Hein? J'ai des hauts talons. Regarde-le, l'autre. Mais t'as pas fini, non? Oh! Jean-Pierre, t'as pas honte? Mais qu'est-ce que c'est? T'aurais un gel douche et un shampoing? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oh là. Tant pis. Je suis fatiguée. Bah, j'ai du mal à dormir. De voiture, parce que quand je change de voiture souvent, c'est même là, moi. C'est moi, là. Voilà. Et voilà, ma serviette. Ta serviette, elle est là, Marie. Ouais, voilà. Mais tu vois, je suis à côté de la plaque. Bon, on va prendre une bonne douche, ça va faire plus bien. Tiens. Voilà, regarde si les gels douche te conviennent. Oui. Là, ça se trouve sur ta droite. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Okay. Oui, c'est bien. Donc, allez, je te laisse. Oui. Voilà, je t'ai ouvert l'aération là. Oui. D'accord? Pour pas que tu aies trop chaud. Voilà, voilà, Marie va pouvoir prendre sa douche tranquille. La propreté. Ah, je suis propre de partout, je suis bien. Ah non. Non, mais quand... on va dire, j'avais un mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'étais propre, mais sentir la transpiration, la transmettre aux autres, ça, c'est un truc que je supporte pas. Voilà. Je me sens une autre femme, hein, franchement. Moi, je sais que j'ai aussi, donc en premier lieu, j'ai fait arrêter mes règles parce que moi, en tant que femme, ça me dérangeait avant d'être sex worker. Maya, sex worker, militante du STRAS. C'était une sorte de truc comme ça, hyper dérangeant et dont j'ai quelque part jamais vraiment voulu parce que, comme enfant, j'étais complète dans mon identité de genre et quelque part. À l'adolescence, quand mes règles sont apparues, c'est comme si on me tirait d'un côté. Voilà. Et ça, c'était très difficile pour moi. Et donc, par rapport aux premières règles, j'en ai un souvenir très précis, j'ai posé la conclusion, comme ça, entre moi et moi-même, que de toute façon, étant donné moi comment je suis, j'aurai jamais mes règles. Je me suis convaincue de ça toute seule. Je me suis dit, je n'aurai jamais mes règles. Et le lendemain, j'ai eu mes règles. Alors le choc total, quoi. Bon, et tout de suite, je l'ai vu comme quelque chose de contraignant, en fait. Il fallait se mettre des tampons, laver les culottes au savon de Marseille, faire attention à la tâche. La tâche. Donc voilà. C'est mon souvenir, le souvenir de m'être dit j'aurai jamais mes règles, j'en suis persuadée. Et le lendemain, je me suis réveillée, elles étaient là, quoi. Moi, en tant que pute, je me ressens non-binaire, ce qu'on va appeler non-binaire, donc qui est aussi revendiqué par beaucoup de personnes transsexuelles, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou à la fois homme, à la fois femme, libre en fait de me revendiquer du genre que je veux. Ne pas avoir mes règles, c'est aussi être disponible sexuellement quand je veux. Ça, c'est avoir la liberté sexuelle d'un homme aussi. Évidemment, je ne peux me représenter que moi-même. Donc, chacun met en place ses stratégies et chacun vit les choses différemment. Je sais que j'ai des collègues qui font tout simplement une semaine de carence, d'autres collègues qui utilisent l'éponge menstruelle pour pouvoir continuer à travailler ou d'autres types de protection aussi. Moi, personnellement, et je ne pense pas que ce soit directement lié à mon activité de sex worker, mais en tout cas, ça la simplifie. J'ai décidé d'arrêter tout simplement mes règles en prenant une pilule microdosée qui fait que je n'ai plus de règles. C'est beaucoup plus pratique pour moi parce que comme j'ai 3 activités, j'ai un emploi du temps de malade. Donc, en plus de ça, si je dois être contrainte à un moment donné de ne pas pouvoir travailler une semaine, alors que c'était peut-être justement la semaine dans le mois où je pouvais travailler, bah, il est hors de question que je ne le fasse pas. Alors, le point commun entre toutes, c'est qu'il y a quelque chose de... Comment dire ? Il est communément admis aujourd'hui dans cette société qu'une femme qui a ses règles ne fait pas l'amour. Alors que c'est complètement stupide. Moi, je m'en tape complètement de faire l'amour si j'ai mes règles. D'ailleurs, si je fais l'amour avec mon amoureux ou peu importe, règle ou pas règle, on s'en fout. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de fournir des services sexuels rémunérés. Et comme la gente masculine n'est pas vraiment friande de sang, effectivement, le point commun entre toutes, c'est qu'on est obligé de développer des stratégies, soit pour les cacher, soit pour les arrêter. Il y a aussi des nanas qui parfois ne font rien, juste reçoivent un client et baisent avec le client, même si elles ont leurs règles. Et puis qui après disent « Ah, ben je savais pas, ça a dû juste commencer. Bon voilà, je savais pas en fait, mais on cache. On va pas dire « j'ai mes règles » ou quelque chose comme ça. » Il s'agit, quand on est sex worker, femme, de performer de la féminité, de vendre du fantasme de féminité. et ce fantasme de féminité, il n'a pas de flux, en fait. Donc, dans cette idée de performer de la féminité, donc ça va passer par toute une panoplie d'accessoires, de tenues vestimentaires, de façons de se comporter, mais aussi de façons de parler. Quasiment tout, on modifie nos voix. Enfin, en tout cas, on est nombreux à le faire. De façon de parler, de marcher, de se comporter, et évidemment d'être pendant l'acte sexuel. Bon, dans cette performance de la féminité, il n'y a pas de place pour ce qui va être rattaché au côté reproducteur. Parce qu'avoir ces règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire être fertile. Être fertile, ça veut dire être une mère potentielle. Or, dans cette société, une pute n'est pas une mère potentielle. Aujourd'hui, moi, elle, l'autre, peu importe, celle qui est dans la rue, celle qui est sur Internet, celle qui est dans une agence en Suisse, celle qui nanana, toutes... On a le droit de revendiquer que ce qu'on fait, c'est un travail. Parce que si la prostitution concerne quand même majoritairement des femmes, c'est pas n'importe quelle femme qui peut se prostituer. Il y a quand même un apprentissage. Hein, on dit t'es une pute parce que comme si c'était facile, en fait. Mais non, enfin, ça ne l'est pas du tout. Le point commun, c'est qu'on est toutes là, on est toutes prostituées. Bon, alors, c'est un fait. Aujourd'hui, des droits... Aujourd'hui, de la sécurité. Aujourd'hui, voilà, c'est tout. Je l'insère, hop, dans l'objet et ça se repositionne en position de corolle, en fait. Sur toutes les coupes menstruelles, vous avez des petits trous en haut qui permettent de faire un appel d'air quand on l'insère dans le vagin et qu'elle se repositionne comme ceci. Parce qu'on l'insère, elle est pliée, quoi, en fait. Donc elle se remet comme ça. Si elle reste pliée, il peut y avoir des fuites. C'est là que ça peut effectivement pas être super efficace. J'espère que ça va marcher. Hein. Ça va. Ça marche pas. Donc je vais mettre un peu d'eau. Ça a l'air nickel. Ça ne goûte pas. Ça ne goûte pas. Quand c'est bien installé, alors. Alors, c'est pas censé. En fait, je l'ai vachement rempli. Non, mais c'est là que je m'en rends... Je l'avais vachement rempli. Je suis désolée. Je vous dis, c'est expérimental. Hein. C'est génial. Donc en vrai, ça fait pas ça. Hein. Ça remonte pas dans le code de l'OMS. N'ayez crainte. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est que le flux est récupéré dans la coupe menstruelle. Donc, je m'appelle Fanny, je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Clean Your Cup, que j'ai lancé il y a quelques mois et qui est en fait un projet de référencement d'établissement cup safe, c'est-à-dire tous les endroits de socialisation comme les bars, les restos, les musées, les cinés, etc., où on a un robinet dans la cabine de toilette pour pouvoir rincer sa coupe menstruelle. C'est un projet qui est participatif puisqu'il est composé d'ambassadrices et d'ambassadeurs qui missionnent à travers le monde pour Clean Your Cup et qui donc va coller des stickers dans toutes ces toilettes qui sont identifiées Cup Safe. Voilà. Donc c'est un projet qui se voulait pirate à la base et en fait de plus en plus je suis sollicitée par des restaurateurs, enfin des propriétaires d'établissements qui veulent des stickers, les assumer et les mettre sur leur devanture. Et moi, je trouve ça bien qu'on puisse sticker alors, dans les toilettes mixtes, mais aussi dans les toilettes hommes, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on est non menstrué ou homme, ou les deux, ou peu importe, qu'on n'est pas forcément, qu'on n'a pas des sœurs, des copines, des mères, des filles, en fait, ou autres personnes non-binaires proches de nous qui sont menstruées. Donc, de toute façon, je pense sincèrement que ça concerne tout le monde, quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc avec les règles. Dès l'adolescence, aux premières règles, il y a quelque chose qui se fige et qui fait qu'on en est là aujourd'hui quelque part et qu'il y a un décalage, quoi. Enfin, et le fait qu'on soit pas à l'aise d'en parler comme ça dans l'espace public, qu'on soit pas à l'aise d'en parler à certaines personnes, à des hommes ou même à des gens proches de nous. Voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire dès la genèse, en fait, des premières règles. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire aussi avec Clean Your Cup. Oui-je, belle demoiselle, vous avez vos règles. Quelle fabuleuse nouvelle! Que disparaisse cette mine déçue. Ne savez-vous pas que l'ère des tampons et des serviettes est révolue? Ah non! Bannissez les anciens supports hygiéniques. Pourquoi vous infligez ces instruments archaïques? Ils vous couvrent de fibres, vous assèchent, favorisent les infections, réclament une fortune. Quant aux serviettes, vraiment, aucune fuite importune. Saviez-vous qu'il existe une solution plus pratique, plus douce, plus saine, plus écologique et, surprise, plus économique? Mademoiselle, je vous présente... La Claricop, le meilleur moyen d'oublier vos règles. un miracle de silicone chirurgical biocompatible. Une fois inséré, aller-retour au WC, angoisse et petites pertes appartiendront au passé. Ni odeur, ni gêne, car vu la macération, la femme moyenne utilise 12 à 15 000 tampons ou serviettes au cours de sa vie. Mais vous, avec une seule Claricop, vous tiendrez jusqu'à 5 ans, ma chérie. Vous pouvez économiser 2 700 €. Plus d'hésitation, permettez une démonstration. La Claricop est extrêmement facile à insérer. Pliez-la en U, glissez-la dans votre intimité et c'est terminé. Vous pourrez nager, voyager, danser toute nue si cela vous plaît. C'est tout aussi simple de l'ôter, tirez délicatement sur la tige. 9 utilisatrices sur 10 recommandent la Claricop. Pourquoi ne pas l'essayer? Vous voulez oublier vos règles? Cliquez donc et trinquons, ma chère. Moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu victime de moi-même dès mes premières règles parce que j'étais la première de mes amis, parce que j'y connaissais rien, parce que j'étais pas briefée, parce que je sais pas quoi faire, que j'étais pas dans un contexte hyper positif au moment où ça m'est arrivé et du coup j'en ai fait un. Mais ça a été catastrophique, ça a été vraiment un truc terrible dans ma vie pendant 15 ans en fait. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. Enfin, puis en plus, ça a des répercussions sur plein d'autres choses. Et puis on en souffre, et puis ça, on a mal, on a l'impression d'avoir encore plus mal, et puis on se sent dégueulasse, et puis c'est. Puis on n'a pas envie d'être au contact des autres. Enfin, il y a quelque chose avec les règles où ça. Bon, après, encore une fois, chacun et chacune a son histoire. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est vrai que la coupe menstruelle, pour le coup, ça m'a vraiment aidé à me libérer et à me sentir mieux avec mon corps, quoi. À me sentir, je sais pas, moins lourde, quoi. Moins lourde de tabous et de choses comme ça, quoi. Genre, et c'est comme si j'avais intériorisé tout un tas de problématiques et qui, avec la cup, m'avait soulagée de tout un tas de d'injonctions, de ouais, c'est ça, de peur, de douleur, de ça m'a vraiment aidé à m'émanciper en fait de tout un tas de carcans sociaux, familiaux, personnels aussi beaucoup. Enfin, c'est des choses que j'ai remis en question par rapport à moi-même aussi. Enfin, je me suis pas laissé le choix jusque-là. Et après, avec la cup, il n'y a pas eu que la cup, hein, bien sûr, mais la cup, ça a été vraiment un truc assez décisif, en tout cas, dans mon parcours personnel, intime, sexuel, etc. Du coup, c'est pour ça que moi, la cup, je milite pour la cup depuis que je l'ai connue, auprès de mes amis, de ma famille, etc. Parce qu'il me semble que c'est une des alternatives les plus saines et aussi les plus écologiques. Je suis très écolo, je suis végane, enfin, voilà. Et du coup, c'est zéro déchet la cup aussi, puisque c'est un objet qu'on garde pendant 5-10 ans, on ne produit plus de déchets, et voilà, ça me paraît être vraiment un allié super pour toutes ces raisons-là, quoi. Tourner simultanément un sens. Ah, c'est plus pratique. Et c'est une ficelle, on dirait un pétard. Une fusée. C'est vrai que c'est. Je sais pas, c'est. C'est impossible à ouvrir ce truc-là. Donc ça, on va imaginer que c'est le vagin, comme ça. On va se l'enfoncer comme ça. C'est génial. Et le rentrer entièrement. On met ça au fond. Pour moi, ça a été une grande surprise. C'est-à-dire qu'on voit ce petit truc, là, on se dit, ah bah c'est un truc de coton, donc le côté finalement assez sain, c'est le coton, c'est beau, c'est... voilà, tout va bien. Audrey Glohagen, réalisatrice de Tampon, notre ennemi intime. Et la première grande surprise, je découvre qu'en fait, pas du tout, que la plupart, pour les tampons, ce que j'appelle conventionnels, traditionnels, les grandes marques, pas les tampons bio, les tampons traditionnels, a priori, c'est du synthétique, c'est-à-dire synthétique, de la viscose. Et là, je découvre, viscose, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et qu'en fait, c'est de la pulpe de bois. Voilà, c'est de la pulpe de bois trafiquée. Donc voilà, pour moi, déjà, ça a été une révélation. C'est-à-dire que pourquoi ils n'indiquent pas clairement que c'est du synthétique? C'est quoi ça? En fait, c'est pas un suppositoire, ce truc. Et derrière, j'ai compris pourquoi. C'est-à-dire que la pulpe de bois, il faut la blanchir. Sinon, nos tampons seraient marrons. Donc il faut la blanchir avec quoi? Du chlore. Voilà, parce que c'est impensable pour les industriels de vendre aux femmes des tampons marrons. Le fait de les blanchir avec du chlore provoque dans le processus d'industrialisation de la dioxine. Donc j'ai compris encore une fois que les tampons traditionnels étaient en majorité faits soit uniquement synthétiques, soit un mélange de synthétique et de viscose. Et que les tampons bio étaient donc, eux ils avaient bien compris, c'est pour ça qu'ils indiquent bien tampon en coton, 100% coton. L'hymen. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est compliqué. Hein. Au-delà de la matière synthétique, il y a des matières absorbantes dont on nous dit rien. Et c'est quoi le l'hymen? avec quoi sont faits ces gels absorbants. Donc on a lancé un laboratoire indépendant sur plusieurs tampons en disant voilà, allez-y, regardez tout ce qu'il peut y avoir dedans. Et on a eu une nouvelle révélation, on a découvert en fait que dans certains tampons, il y avait aussi des phtalates. On le sait, on est entouré de phtalates dans les sacs plastiques, les trucs, voilà, il y en a partout. Et donc voilà, là, à nouveau, j'ai trouvé plein de choses. Je me suis mis en lien avec une chercheuse de Harvard qui avait travaillé depuis très longtemps, qui travaillait sur le lien entre phtalates et fertilité. Elle a montré que ces moments particuliers que sont le début des règles, jour 1, jour 2, jour 3, c'est un élément essentiel dans la fertilité. C'est à ce moment-là qu'en fait, on crée nos œufs. Plus on a de phtalates à cette période précise du début des règles, là, sur ces 3 jours, plus on a des risques de fausse couche. Ça a libéré les femmes, le tampon. Donc cet élément émancipateur, on n'a pas voulu l'interroger. Parce que moi, je me disais, mince, les féministes vont me tomber dessus. Quand je vais parler de ça, dire des tampons, attention, est-ce qu'il ne faut plus mettre des tampons ? Elle me dit, mais non. Attendez, moi, je crois à certaines causes féministes, puis ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. On veut bien être libre, ok, pour mettre des tampons, mais pas dans n'importe quelles conditions. Ce n'est pas à nous de devoir nous accommoder, dire, tiens, maintenant, on va être obligé de remettre des serviettes, etc. Non, c'est aux industriels de nous prouver que leurs produits sont sûrs. J'ai commencé à me sentir pas bien, à commencer à avoir un peu de fièvre. J'étais toute patraque, toute brassée, barbouillée. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à vomir une première fois, une deuxième fois. Donc là, ça ressemblait effectivement à une gastro. Et là, j'ai commencé à avoir la peau toute rouge comme un énorme coup de soleil. Certaines femmes sont porteuses du staphylocoque doré. Et si elles n'ont pas d'anticorps contre ça, en présence de fibres synthétiques comme le tampon, qui se nourrit en fait, qui a besoin d'un milieu de culture, on va dire, c'est les règles, c'est une jolie petite piscine. Et puis, quand il a en plus du synthétique, qui lui sert de nutriment, eh ben, il va se servir de ça pour se nourrir de ça et libérer une toxine qui s'appelle le TSST1. Et donc là, on fait un choc toxique. Donc là, c'est tous les organes qui se mettent à dégénérer. Voilà. Donc là, on arrive soit à la mort, hein, on peut mourir du syndrome du choc toxique menstruel, soit avoir des amputations. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu, par exemple, ce cas d'une mannequin très connue aux États-Unis qui a une jambe amputée à la suite d'un syndrome du choc toxique qui a attaqué la marque. Donc le syndrome du choc toxique, c'est une affection rare, mais d'une part dont je pense les femmes sont assez peu au courant, parce que c'est quand même écrit en microscopique sur la boîte au mieux. Au pire, sur le dépliant qui fait 450 km de long, qui est écrit en 450 000 langues, ça m'interroge. Moi, j'ai rencontré le docteur Tierno, ça fait 37 ans qu'il travaille sur le syndrome du choc toxique et les tampons. Et donc, lui, il me dit, je n'ai jamais vu de syndrome du choc toxique avec des tampons en coton, des tampons bio. Moi, j'attends de voir. Tampax dit, oui, on va mettre la composition. Qu'est-ce que ça veut dire, composition ? Comme pour l'industrie cosmétique, qui est obligé de lister la moindre parcelle d'ingrédients, moi, je souhaite qu'on légifère en Europe et qu'il n'y ait plus le choix. Voilà, je pense que c'est l'unique solution pour qu'on sache vraiment de quoi sont faits ces tampons et qu'on puisse être libre, comme il nous avait promis il y a des années. Évidemment, c'est ma reine, elle s'appelle Coralie. Coralie, elle a toutes les qualités, évidemment. Elle est douce, elle est tendre, elle est intelligente, elle comprend tout, elle me fait rire, elle est vulgaire. C'est ça qui me fait rire. Elle est authentique, elle a honte de rien, elle s'en fout, elle parle. J'aime ça, j'aime l'écouter, j'aime tout ce qu'elle fait. Et voilà, elle s'appelle Coralie, c'est ma nana. Et donc à l'image, on a la marque Nana. Ma nana. On a un panneau avec le logo Nana et cette phrase qui dit « ce quelque chose que les autres n'ont pas ». Donc Nana, ce quelque chose que les autres n'ont pas. Guillaume Arnal, publiciste. Responsable de Ladies and Gentlemen. Disons que quand on a commencé à réfléchir, quand on part de la page blanche, on démarre pas trop avec les tabous en fait. On pense plutôt aux objectifs et à une sorte de tonalité. L'objectif, on va dire, systématique dans l'hygiène féminine, c'est de rassurer. C'est de se dire que quand même, finalement, quand on a ses règles, ça ne se verra pas, ça ne va pas déborder, il n'y aura pas de fuite, etc. Et rien que ça, quand on en parle en réunion, On sent que ça soulève des petits sourires gênés, des ricanements. Donc on sent que tout de suite, c'est un sujet qui est un peu gênant, y compris pour les femmes, voire peut-être même surtout pour les femmes, peut-être. Nous, dans la publicité, on est censé parler de quelque chose dont on ne parle pas. Et on est censé montrer ou démontrer quelque chose qui se cache. Donc c'est une forme de paradoxe en soi. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est quand même d'aller sur un terrain un petit peu délicat. C'est-à-dire montrer, démontrer l'efficacité d'un produit, mais sans le montrer vraiment et sans parler vraiment, sans mettre des mots sur quelque chose qu'on pourrait faire, sans mettre des mots sur quelque chose qu'on pourrait citer entre copines et encore de manière un peu déguisée. Nous, évidemment, enfin, quand on est sur la partie créative, on s'interdit un petit peu de faire la même chose que les camarades. Donc on s'était dit, on va pas démarrer avec les films avec du liquide bleu. Et donc on est parti sur une stratégie totalement différente. Nous, on est parti sur une stratégie de marque, c'est-à-dire parler de la marque et des utilisatrices de la marque et ne pas parler des produits. Ça, ce serait dans un deuxième temps. Donc c'est un peu, on va dire, un parti pris, on va dire. C'est de parler le parti pris, c'est de communiquer sur la marque plus que sur les produits. Parce qu'en soi, on va dire que toutes les marques innovent tous les semestres, il y a des nouveaux produits, des nouvelles innovations. Donc c'est un peu la surenchère et au final, c'est toujours le même pub avec plus ou moins de liquide bleu, le plongeoir est plus ou moins haut, le cheval court plus ou moins vite. Mais en fait, finalement, c'est un peu toujours la même chose. À l'image, il y avait quoi concrètement ? C'était des portraits, c'était... puisqu'il n'y avait pas de sang bleu, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de produits. Donc quand les films qu'on a produits... On en a produit plus d'une dizaine. On donnait la parole à des hommes qui, pour la plupart, n'étaient pas des comédiens. Parce que justement, on voulait, dans les témoignages des hommes, retrouver une forme de sincérité, de vérité. Et donc, du coup, ça se voit tout de suite quand un comédien cherche à faire le comédien amateur. L'idée de faire des castings sauvages et d'avoir des vraies personnes, entre guillemets, non pas que les comédiens soient des fausses personnes, mais des non-comédiens en tout cas, c'était pour retrouver une forme de sincérité, de vérité, voire un petit peu d'émotion, même si il faut rester, raison garder, ça reste des publicités de 20 secondes, donc on n'est pas dans le long métrage avec de vraies belles émotions, mais quand même, cette forme de sincérité nous intéressait beaucoup, pour valoriser les nanas dont il parlait, leurs nanas dont il parlait. Ma nana, en fait, c'est plutôt une fille hyper active. Ouais, c'est le mot, je pense. Et vraiment, elle booste, elle est... Enfin, comparé à moi, je pense qu'on peut pas... Enfin, voilà, on est les deux extrêmes. Ouais, les opposés s'attirent, mais... En même temps, elle est... Enfin, c'est un peu le moteur. Sans ma nana, moi, je... Enfin, bon, elle est là, de toute façon. On pourrait se dire, bon, ben voilà, pour montrer le côté invisible des protections féminines, on pourrait justement avoir des poses un peu plus suggestives ou des femmes un peu plus dénudées, mais finalement, c'est pas tellement le sujet. Ce qui choque le plus, c'est presque les mots ou les règles elles-mêmes que le corps féminin. Finalement, c'est peut-être un des secteurs où on pourrait accepter que le corps féminin soit un peu plus dénudé ou avoir un peu plus les formes. Finalement, on ne le montre pas, on ne montre pas grand-chose, en fait. Et pour démontrer l'absorption d'une serviette, finalement, on ne montre même pas la femme. On montre un laborantin en blouse, avec une éprouvette, quoi. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tellement le corps de la femme qui est tabou, mais c'est plutôt les règles, les menstruations, c'est le liquide, c'est le sang, c'est la couleur rouge. Et qu'en fait, on procède par élimination. C'est-à-dire qu'on se dit, toutes les couleurs sont tabous parce qu'elles sont toutes connotées. Mais finalement, on va rendre le liquide le plus pur possible. Dans les codes pharmacie, parapharmacie, finalement, l'eau, c'est bleu, alors que si elle était transparente, on ne la verrait pas. Mais on ne peut pas montrer du rouge ou d'autres couleurs. Ça, c'est pas possible. C'est finalement une autocensure. Je ne pense pas que l'ARPP, l'agence qui contrôle, on va dire, les contenus des publicitaires, c'est une agence d'autorégulation... Je ne pense pas que cette agence ait un jour censuré en France une publicité pour l'hygiène féminine. Je ne pense pas. Je pense que ça a pu arriver beaucoup dans la mode, dans toutes sortes de secteurs, dans l'automobile ou les produits ménagers. Mais je ne pense pas que dans l'hygiène féminine, il y ait eu beaucoup de ça. Je pense que c'est surtout que c'est un tabou, y compris pour les femmes. et que c'est un sujet dont on ne parle pas, et qu'on ne montre pas, et qu'on ne nomme pas. Donc du coup, ça donne des hyperboles, des métaphores, des circonvolutions, des, on dit les choses sans les dire. C'est plutôt ça, en fait. C'est un des secteurs publicitaires où on parle le moins des choses, où on prend le plus en plus de pincettes et de métaphores pour dire les choses. Was a long day at work, and Gina looked terse. Then she snuck a cute tampon up out of her purse. There's no need to hide that pretty plastic stick. Girl, I like a lady who can flaunt her Tampax pearl. There's something I look for in the women I'm dating. I want a lady who lets the world know she's ovulating. When I take you out to dinner, girl, go ahead and brag. Carry that tampon in the open, cause you own the brand. On sent qu'il commence à y avoir une sorte d'évolution du discours. On aborde les sujets de manière un petit peu plus directe, même si souvent c'est fait avec humour, parce que ça passe quand même un petit peu mieux avec le deuxième degré, un petit peu d'humour. Et notamment dans les pays anglo-saxons, par exemple la marque Bodyform avait fait un film très très très rigolo qui avait été vu plusieurs millions de fois sur le net, sur YouTube, où on voyait une pseudo-patronne de la marque témoigner, répondre à un courrier de lecteur, un certain Richard qui était naïf comme beaucoup d'hommes et qui lui expliquait que la couleur des règles ce n'est pas bleu. C'était vraiment très très, très très bien fait et elle mettait pour le coup des mots sur les choses qui n'arrivent pas très très souvent dans la communication pour l'hygiène féminine. Et la manière dont elle clôt le film est assez intéressante aussi. But you, Richard, have torn down that veil and exposed this myth, thereby exposing every man to a reality we hoped they would never have to face. You did that, Richard. You. Well done. Elle boit le liquide bleu. I just hope you can find it in your heart to forgive us. Oh, sorry, Richard. You did know that we do that too, didn't you? Yes. Le final est énorme. Elegant. Latex. You were sporty, girl. Walgreens, you don't respect yourself. Oh, oh, oh, OB. Oh, you a kinky thing. Tampax Compact, you so organized. Come on and get your crayon, don't hide that tampon. When you look into her eyes, then you see crime. We out, we out. Benj Rousseau Drouet. Period. Taoïste et adepte du fil. Donc, le feu instinctif libre, puisqu'on peut l'appeler comme ça, en fait, c'est la possibilité qu'ont les femmes, pendant les règles, de contrôler le flux de sang, le flux de l'écoulement. C'est-à-dire que l'écoulement, il est libéré, enfin, il est retenu et libéré comme quand on fait pipi, quoi. Hein, donc, par la connaissance de leur corps, les femmes arrivent à contrôler certains muscles, hein, au niveau de, autour du col de l'utérus. Donc, c'est beaucoup un travail au niveau du vagin et aussi du périnée qui permet à la femme de retenir le sang des règles. Et quand elle sent qu'il y a une quantité de sang qui s'écoule, en fait, elle peut le retenir et aller l'évacuer dans les toilettes comme quand on a envie d'uriner. Et ça donne... Comment je pourrais vous dire ça? Si vous voulez, on prend conscience de notre puissance de femme. Vous voyez, c'est une sensation de puissance et de liberté, vraiment. Don't like, don't subscribe, and comment to Bickle Bully Job. Nobody should touch anything. Don't touch the computer, don't touch the laptop, don't touch the Bickle. Don't you dare touch yourself. Oh. No touching. Bilkul bhi nahi. Ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est ce que je lis dans les statistiques de l'UNICEF, par exemple, c'est que 500 millions de femmes n'ont pas accès à des protections périodiques. Élise Thiébault, auteure de Ceci est mon sang. En soi, c'est déjà un problème parce que ça signifie qu'elles sont obligées d'utiliser... de la boue, des feuilles, du papier, qu'elles sont mal à l'aise, qu'elles sont dans une situation de honte tous les mois. Évidemment, il y a une conséquence à ça, c'est que une fois par mois, parce que c'est la semaine de la honte, une jeune fille sur 10 en Afrique ne va pas à l'école pendant plusieurs jours parce qu'elle a ses règles. Donc ça a une incidence, ce tabou des règles, mais est-ce que c'est le tabou des règles ou est-ce que ce sont les inégalités sociales, un inégal partage des richesses, un inégal accès à des droits fondamentaux qui sont en cause, j'en sais rien. Moi, personnellement, je n'ai pas à expliquer à des femmes que je ne connais pas, à des sociétés dont je ne connais pas toutes les subtilités, comment elles devraient vivre les règles. On va prendre le cas, par exemple, du Chaupadi, qui est une tradition qui existe au Népal, qui veut que chaque femme qui a ses règles soit recluse dans une cabane pendant toute la durée des menstruations, ou la durée également durant laquelle elle saigne après un accouchement. En 2017, il y a une jeune femme qui, pendant sa réclusion du Chaupadi, a été mordue par un serpent et est morte parce que les secours n'ont pas pu intervenir suffisamment rapidement pour qu'elle soit sauvée. Le Chaupadi, en vérité, c'est une tradition qui est interdite au Népal depuis 2005. En 2017, on a décidé de renforcer l'arsenal répressif pour que les femmes ne soient plus obligées de faire ce Chaupadi. C'est quelque chose d'assez similaire à ce qui se serait passé en France dans le cas d'un viol collectif où on décide de renforcer la loi. Il faut peut-être, enfin, en tout cas moi je m'efforce d'avoir une vision humble et pas surplombante sur des cultures que je ne connais pas. Ce que je sais, par exemple, pour le cas de l'Inde, où ce tabou existe, le tabou des règles existe comme partout dans le monde, comme il existe encore en Europe et comme il existait juste très récemment avec des superstitions sur « on ne peut pas monter une mayonnaise », par exemple, c'est quelque chose que moi j'ai vécu quand j'étais adolescente, où on me disait « oh non, laisse tomber, si tu as tes règles, ce n'est pas la peine d'essayer ». Donc c'est à mémoire de femme que je peux dire qu'il existait ces superstitions autour des règles qui sont sans fondement. Il existe par exemple une superstition en Inde qui veut qu'on ne peut pas toucher un cornichon parce qu'il sera impropre à la consommation derrière. Il existe aussi, j'ai envie d'en parler en même temps, des personnes qui en Inde se battent pour faire reculer cette superstition. Il y a un homme qui s'appelle Menstruation Man qui a décidé d'aider les femmes à fabriquer des protections périodiques et qui va de village en village pour expliquer aux femmes et aux hommes que les règles ne sont pas une malédiction. Donc il y a, en même temps qu'il y a une persistance du tabou, il y a aussi des hommes et des femmes qui essayent de le faire reculer. Donc moi, je m'attache à penser à ces deux aspects-là sans m'imaginer que je possède une vérité ou que je connais les règles pour tout le monde. La fin d'un tabou de Juliette Boutillier et Nathalie Battus avec Ranzika Faïd, créatrice de l'association Mobile Douche, Jean-Pierre et Marlène, bénévoles de Mobile Douche, Marie, usagère de Mobile Douche, Tara Euzé, présidente de Règles élémentaires, Maya, sex worker, militante du STRAS, Audrey Glohagen, réalisatrice de Tampon, notre ennemi intime, Fanny Godbarge, créatrice de Clean Your Cup, Guillaume Arnal, publiciste, responsable de Ladies and Gentlemen, Benj Rousseau-Drouet, taoïste et adepte du fil, Laurie Autrey, Achagouran, Claire Bessé, bénévole de Règles élémentaires, et Élise Thiébault, auteur de « Ceci est mon sang ». Mixage, Alain Joubert.